Et avant qu'on se laisse, je voulais vous lire, comme on a pu le faire avant-hier, certains passages du livre Lam ad-durr al-manthur min al-qawl al-ma'thur fi al-i'tiqad wa al-sunnah, qui est une compilation du noble cheikh Abu Furayhan Jamal ibn Furayhan al-Harithi, qui a été relu par le cheikh Saleh ibn Fawzan, ibn Abdillah al-Fawzan, et qui a été préfacé par le noble cheikh Saleh ibn Abdelaziz ibn Muhammad al-Sheikh, qu'Allah les préserve. On avait lu donc avant-hier le chapitre relatif au fait que les salafs, les pieux prédécesseurs de cette communauté, ils jugeaient les gens selon leur fréquentation. Et aujourd'hui, on va lire dans d'autres chapitres, notamment le chapitre numéro 26, intitulé « La mise en garde visant le fait de s'asseoir avec les partisans de l'innovation et de se mélanger avec eux et de marcher en leur compagnie. » L'exalté a dit: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Ceux qui émiettent leur religion et en font des parties, tu ne fais en aucun cas partie d'eux. Ceux qui émiettent leur religion et en font des parties, tu ne fais en aucun cas partie d'eux. C'est donc ici parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il adressa à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi aussi l'adepte de la sunna. Retiens ici cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a été mentionnée par le cheikh, et sache qu'en tant qu'adepte de la sunna, ceux qui émiettent leur religion et en font des parties, tu ne fais en aucun cas partie d'eux. Que ce soit les Khawarij, ou que ce soit les Rawafid, ou que ce soit les Qadariya, ou les Murji'a, ou les Jahmiya, ou les Mu'tazila, ou les Soufis, sous toutes leurs formes et toute confrérie confondue. Ou que ce soit les mouvements et groupuscules contemporains, que ce soit les Tablir ou que ce soit les Ikhwan, et que ce soit les Khawarij, tout groupuscule confondu, Daesh, la Nusra ou la Al-Qaïda et ainsi de suite, toi en tant qu'adepte de la Sunna, tu ne fais en aucun cas partie d'eux. Ils sont dans un wad, le wad de l'égarement, et toi tu te dois de te placer dans un autre wad. Allah tabaraka wa ta'ala a également dit, donc le shir de continuer en faisant mention d'une autre parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Et ne soyez pas parmi les polythéistes, parmi ceux qui ont émietté leur religion et devinrent des partis, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, comme cela a été mentionné par Abu Nu'aym dans Al-Hilya et par Al-Lalaka'i dans Sharh I'tiqad Ahl-Sunnah, Celui qui s'assoit avec un partisan de l'innovation, méfie-toi de lui. Celui qui s'assoit avec un partisan de l'innovation ne se verra pas octroyer la sagesse. Et j'apprécierai le fait qu'il y ait entre moi et le partisan de l'innovation une forteresse de fer, et que je mange en compagnie du juif ou du chrétien, mais préférable au fait de manger chez un partisan de l'innovation. On peut retrouver dans Al-Iban, Al-Kubra d'Ibn Battah, que l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: les partisans de l'innovation, il ne convient à personne de s'asseoir en leur compagnie, ni de se mélanger à eux, ni de chercher à avoir des affinités avec eux. Bien sûr, on vise par innovation ici les innovations dans la religion, qui consiste à ajouter dans la religion ce qui n'en fait pas partie. On retrouve également dans Al-Iban que Habib ibn Abi al-Zibriqan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Muhammad ibn Sirin, donc qui fait partie des plus célèbres des disciples des compagnons, qui est mort au début du second siècle de l'Hégire. Il est mort, si je ne me trompe pas, en l'an 110. Donc Muhammad ibn Sirin, comme l'a relaté Habib ibn Abi al-Zibriqan, lorsqu'il entendait une parole d'un partisan de l'innovation, il mettait ses doigts dans ses oreilles en disant: il ne m'est pas permis de lui parler jusqu'à ce qu'il ait quitté mon assise. Excusez-moi, il ne m'est pas permis de lui parler, et il répétait cela jusqu'à ce qu'il ait quitté son assise. Donc imagine-toi Mohammed ibn Sirin, lorsque il y avait un partisan de l'innovation religieuse, un innovateur dans la religion, qui venait lui parler, il mettait ses doigts dans ses oreilles, et il répétait: il ne m'est pas permis de lui parler, et ce, jusqu'à ce qu'il ait quitté son assise. Salam ibn Abi Muti' a dit: comme cela est mentionné dans plusieurs livres de référence, notamment le Musnad d'Ibn al-Ja'd, et cela est également rapporté par Darimi et par Ibn Battah dans Ibn al-Kubra et par Al-Lalaka'i. Salam ibn Abi Muti', qu'Allah lui fasse miséricorde, il a rapporté le fait qu'un jour un homme, parmi les partisans de l'innovation, a dit à Ayyub al-Sirtiyani, ô Abu Bakr, donc c'était la cunia de Ayyub al-Sirtiyani, je voudrais te questionner à propos d'une chose. Ayyub lui a répondu en montrant son doigt. En montrant son doigt, et il lui a dit: même pas la moitié d'une chose, même pas la moitié d'une chose. Il lui a répété donc à deux reprises, dans le sens où il ne voulait pas entendre ce qu'il disait. Barakallahu fik. Également, on retrouve dans Al-Adab al-Shar'iyya d'Ibn Muflih que Ahmed ibn Hanbal a dit dans la lettre qu'il a écrite à Musaddad: et ne consulte pas le partisan de l'innovation concernant ta religion, et ne lui tiens pas compagnie dans tes voyages. Ibn al-Jawzi a dit, comme on peut également le retrouver dans Al-Adab al-Shar'iyya d'Ibn Muflih, sachant que Ibn al-Jawzi est venu avant Ibn al-Muflih, Ibn al-Jawzi a dit: Allah, Allah, méfiez-vous du fait de tenir compagnie à cela, visant par là les partisans de l'innovation, Et il est obligatoire d'interdire aux enfants de se mélanger à eux, afin que rien de tout cela ne vienne s'ancrer dans leur cœur. Et occupez-les plutôt avec les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que leur nature en soit imprégnée. Abu Muhammad al-Barbahari a dit dans Sharh al-Sunnah, lorsqu'il t'apparaît d'un individu, ne serait-ce qu'une chose, relevant des innovations en religion, alors méfie-toi de lui, car ce qu'il te cache est encore plus nombreux que ce qu'il laisse apparaître. Et il disait également, comme cela est mentionné dans Tabaqat al-Hanabila, il disait, l'image des partisans de l'innovation est identique à celle des scorpions. Ils enfouissent. C'est comme ça qu'on dit ? Fouissent ? Enfouissent. Hein ? Ils enfouissent. Leur tête et leur corps sous la terre, et ils sortent juste leur queue. Et lorsque tu es à leur merci, c'est là qu'ils viennent te piquer. Et c'est pareil pour les partisans de l'innovation. Ils se cachent au milieu des gens. Et lorsqu'ils en ont la possibilité, ils atteignent leur objectif. Ibn Rajab a dit, comme on peut le retrouver dans le livre ou dans le livret Al-Farq Bayna Al-Nasihati wa Al-Ta'yir, quant aux partisans de l'innovation et de l'égarement, et ceux qui cherchent à se faire passer pour des ulama alors qu'ils n'en sont pas, il est permis d'exposer leur ignorance et de mettre en évidence leurs défauts afin de mettre en garde contre le fait de les prendre comme modèle. Donc on a pu se rendre compte à travers ces différents textes-là de la position à avoir vis-à-vis de ces gens-là. Et également, on peut retrouver un autre chapitre, qui cette fois-ci est le chapitre numéro 38, toujours dans le livre « Lam ad-durr al-manthur min al-qawli al-ma'thur » du Cheikh al-Harithi, Abu Furayhan. Il a dit « Les répercussions mauvaises résidant dans le fait d'adresser des éloges aux partisans de l'innovation et le fait de les vénérer et de s'asseoir à leur compagnie et de se taire et de s'abstenir de mettre en garde contre eux. » Et là, sois bien attentif à ce récit que tu peux retrouver dans Siyar, c'est-à-dire Siyar A'lam al-Nubala de l'érudit al-Dhahabi. Il a dit Abu al-Walid Al-Badi a dit dans son livre Irtisar Firaq al-Ulama, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, Firaq al-Fuqaha, excusez-moi, Irtisar Firaq al-Fuqaha, lorsqu'il a fait mention du qadi Abu Bakr ibn al-Baqillani, الشيخ أبو ذر عبد ابن أحمد الأنصاري الهروي ما parlé sachant qu'il penchait, c'est-à-dire il m'a parlé de lui, il m'a parlé de Al-Baqillani. Abu Dhar a parlé à Al-Badi de Al-Baqillani. Et il a dit, sachant qu'il penchait vers la voie qu'il empruntait, c'est-à-dire la voie des Ash'ari, Ash'ariya. Et je l'ai alors questionné, c'est-à-dire il a questionné Abu Dhar Al-Harawi. D'où tiens-tu cette chose-là, cette voie-là, d'où te vient-elle? Et sois attentif à la réponse de Abu Dhar al-Harawi, qui penchait donc vers la voie de l'Ash'ariya, c'est-à-dire des innovateurs. Il a dit, un jour je marchais à Bagdad en compagnie de l'érudit Abul Hassan Ali ibn Omar al-Daraqutni. Et nous avons rencontré le qadi Abu Bakr Muhammad, c'est-à-dire al-Baqillani. Et le cheikh Abul Hassan al-Daraqutni est alors resté en sa compagnie. Et il s'est approché de lui et lui a embrassé le visage, et il a embrassé également entre les yeux. Et lorsque nous l'avons laissé, je lui ai dit, qu'as-tu donc fait ici? Une chose que jamais je n'aurais pensé te voir faire, sachant que tu es l'imam de ton époque. Et Daraqutni lui a répondu, en parlant d'Al-Baqillani, il a dit, c'est là l'imam des musulmans. Celui qui défend la religion, c'est le qadi Abu Bakr Muhammad, visant donc Al-Baqillani. Abu Dharr a alors dit, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lui rendre fréquemment visite en compagnie de mon père et que j'ai suivi sa voie. Ad-Daraqutni, pourquoi il a agi ainsi avec Al-Baqillani? Et pourquoi il a dit d'Al-Baqillani que c'était l'imam des musulmans et celui qui défendait la religion? Car il faut savoir qu'Al-Baqillani, donc, faisait partie de l'Ash'ariya, et que l'Ash'ariya, ils étaient en guerre contre Al-Mu'tazila. Et Al-Baqillani, il a énormément répliqué au Mu'tazila. Et l'imam Ad-Daraqutni, il s'est basé sur ce qu'il connaissait d'Al-Baqillani en termes de défense de la religion, pour porter ce jugement sur lui. Et cela a eu un impact sur Abu Dharr, qui a vu cela et qui a donc eu une bonne opinion d'Al-Baqillani et qui ainsi a suivi sa voie, qui était une voie innovée. Est-ce que tu crois que cela s'est arrêté à cette seule répercussion-là? En vérité, c'est même une cause parmi les causes de la diffusion de la voix de l'Ash'ariya au Maghreb. Car ensuite, Abu Dharr al-Harawi il s'est rendu à la Mecque et les pèlerins maghrébins, lorsqu'ils venaient, ils profitaient de ses enseignements. Mais ces enseignements, ils avaient été entachés par quoi? Par la voie de la charia. Et ensuite, ces pèlerins-là, lorsqu'ils revenaient, eh bien, ils ont commencé petit à petit à répandre la voie de la charia chez les maghrébins. Et c'est là une des causes du fait que cette voie innovée, étrangère à la sunna, se soit propagée au Maghreb. Donc ça te montre ici les mauvaises répercussions qu'il y a dans le fait de faire les éloges des partisans de l'innovation et de les vénérer ou de s'asseoir à leur compagnie ou de se taire et de s'abstenir, de mettre en garde contre eux. Bien sûr, Daraqutni, s'il a agi de la sorte, c'est qu'il a agi en fonction de ce qu'il connaissait d'Al-Baqillani. Pour lui, Al-Baqillani était sur la sunna. Du fait qu'il connaissait de lui, qu'il répliquait aux innovateurs, à savoir Al-Mu'tazila. Mais cela n'a pas empêché qu'en vérité, il était sur la voie de l'Ash'ariya, qu'Allah nous en préserve. Le cheikh, l'auteur, le compilateur, Abu Furayhan al-Harithi, de dire, le fait de se taire sur le cas des partisans de l'innovation et de s'abstenir d'exposer leur cas induit en erreur ceux qui ne le connaissent pas et qui ainsi vont tomber dans le faux qu'ils prônent. Et encore plus grave que cela et plus amer, le fait de faire les éloges des partisans de l'innovation et que cela soit fait par ceux qui, en apparence, sont pieux et droits. Également, on peut retrouver dans Tarikh Dimashq, ainsi que dans Tahdhib al-Kamal, que Ya'qub ibn Shayba, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, en parlant de Imran ibn Hattan, qui faisait partie de Bani Sadous, et qui a côtoyé un certain nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, il a commencé à adhérer à l'opinion des Khawarij. Et la cause de cela, dans ce qui nous est parvenu, c'est qu'une de ses cousines avait adhéré à la voie des Khawarij. Et il s'est marié avec elle afin de l'en faire ressortir. Et en réalité, c'est elle qui l'a ramené vers la voie qu'elle suivait. Et il a également dit, c'est-à-dire Yaqub ibn Shayba, il m'a été rapporté d'après elle, Asma'i, qu'il a dit que Al-Mu'tamir ibn Sulayman l'a nous a informé d'après Uthman Al-Batti, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, que Imran ibn Hittan faisait partie des adeptes de la Sunna. Et il y a un jeune qui est arrivé de Umman. C'est comme si c'était une flèche aiguisée. C'est une image ici qui est donnée. Et il a pris le dessus sur lui lors d'une assise, et cela a donc été la cause du fait que Imran rejoigne les rangs des Khawarij. C'est là donc une seconde cause. Également, parmi ce que on peut mentionner ici, et que l'on trouve dans Tarikh Dimashq et dans Tahdhib al-Kamal, également, la parole de Muhammad ibn Abi Raja, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit qu'un homme de Koufa l'a informé que Imran ibn Hittan s'est marié avec une femme faisant partie des Khawarij afin de la faire sortir de la religion des Khawarij, et en réalité, c'est elle qui l'a fait changer de voie et qui l'a amené vers la voie des Khawarij. Le compilateur ici de dire, le bienheureux sera celui qui aura été exhorté par le cas d'autrui. Et qu'ils ne disent pas, je m'introduis auprès d'eux dans leurs assises et je me mélange à eux afin qu'ils délaissent leurs innovations. Car en vérité, rien ne t'est assuré. Et le cœur, il est prompt à se retourner. Et la piété de ma personne prévaut sur la piété d'autrui. Non. Et également, et on terminera par cela, on peut trouver comme chapitre dans ce livre le chapitre numéro 42, intitulé « Les causes menant au fait que l'individu tombe dans l'innovation ». Le premier récit ici, c'est celui de Uthman al-Batti, que l'on a déjà mentionné concernant Imran ibn Hittan, qui faisait partie des adeptes de la Sunna et qui a été vaincu dans un débat, une discussion avec un jeune qui faisait partie des Khawarij. Et également, il y a ce récit que l'on retrouve dans Al-Ibana Al-Kubra, d'après Mohammed ibn al-Ula, qu'on lui fasse miséricorde, qui a dit que Abu Bakr ibn al-Iyash, qu'on lui fasse miséricorde, nous a informé d'après Mourira, qui a dit Mohammed ibn al-Sa'ib, à l'époque, n'était ou était exempt de toute innovation. Mais un jour, il nous a dit, venez avec moi, afin que nous écoutions leurs paroles, c'est-à-dire les partisans de l'innovation. Et lorsqu'il est revenu, il avait adhéré à leur discours et cela s'était ancré dans son cœur. Donc ici, Mohammed ibn Sa'ib, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, venez juste qu'on aille entendre ce qu'ils disent. Pour voir leur discours, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est quoi leur parole ? C'est quoi leur position ? Et il n'était pas revenu qu'il avait déjà adhéré à cela et que cela s'était ancré dans son cœur. Et également, on retrouve cette parole d'Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, que l'on retrouve dans At-Tahdhib. Qui a dit, j'ai entendu d'Abd al-Razzaq, c'est-à-dire al-San'ani, un discours sur lequel je me suis basé afin de me rendre compte de ce qui avait été mentionné contre lui concernant la voie qu'il suivait, à savoir le chiisme. Comme salam, rahmatullah. Étant donné que Abd al-Razzaq al-San'ani, il lui avait été reproché certaines positions mauvaises concernant donc le chiisme. Et je lui ai dit, c'est-à-dire Ibn Ma'in a dit à Abd al-Razzaq, tes enseignants de qui tu as pris le savoir étaient dignes de confiance, tous et sans exception, et étaient tous des adeptes de la sunna, que ce soit Ma'mar, ou Malik, ou Ibn Jurayj, ou Thawri, ou Al-Awza'i. De qui as-tu donc pris cette voie que tu suis ? Et il lui a dit, Ja'far ibn Sulayman s'est présenté à nous, et j'ai vu que c'était un homme de mérite, doté de bonnes manières, et c'est de lui que j'ai pris cette voie-là. Puis donc le shir Abu Furayhan a apporté une annotation concernant cela. Il a dit cependant, il faut dire que Abd al-Razzaq ne faisait pas prévaloir Ali sur Abu Bakr et Omar. Et il a dit, dans ce que Abdullah ibn Ahmed a rapporté d'après Salama ibn Shabib, par Allah, ma poitrine, mon cœur ne s'est jamais ouvert vers le fait de faire prévaloir Ali sur Abu Bakr et Omar. Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr, à Omar et à Uthman. Et celui qui ne les aime pas n'est pas un croyant. Également, donc, dans le même sens, ce que l'imam Ibn Battah a dit dans Al-Iban Al-Kubra, et j'ai déjà eu l'occasion de vous lire ce passage-là plusieurs reprises, et il n'y a pas de mal à le répéter ici, du fait de son importance. Il a dit, Allah, Allah, ô musulmans, que la bonne opinion que l'un d'entre vous a de sa propre personne, et que le fait qu'il sache qu'il est sur la bonne voie, ne le pousse pas à mettre sa religion en péril, en s'asseyant avec certains partisans de l'innovation, et en disant, je m'introduis auprès de lui afin de débattre avec lui, ou afin de cerner son discours. Car en vérité, leurs tentations sont plus grandes que la tentation du Dajjal. Et leurs paroles sont plus collantes que la gale, et encore plus brûlantes pour les cœurs que la flamme. Et j'ai certes vu un certain nombre de gens qui auparavant les maudissaient et les insultaient. Et ils se sont alors mis à les côtoyer, ou à s'asseoir avec eux plutôt, afin de les blâmer et de les réfuter. Mais ils n'ont cessé d'être confrontés à l'accueil amical, aux ruses dissimulées et à la mécréance subtile jusqu'à ce qu'ils penchent vers eux. Donc, retiens ça, barakallahu fik, que comme le cheikh l'a dit précédemment, le bienheureux, c'est celui qui est exhorté par ceux qui arrivent à autrui. Et le malheureux sera celui qui sera un mauvais exemple à ne pas suivre pour autrui. Également, le chapitre suivant, c'est le 43, qui fait état des moyens à mettre en œuvre afin de se préserver du fait de tomber dans les innovations. Hamad ibn Zayd a dit, comme cela est rapporté dans l'Iban, Al-Kubra, que Ayyub, c'est-à-dire Sirtiani, a dit: je ne leur réplique pas, c'est-à-dire aux partisans de l'innovation, avec une chose plus dure pour eux que le fait de ne pas leur parler. Et également, on retrouve cette parole d'un de nos pieux prédécesseurs, toujours mentionné dans l'Iban. La sunna, selon nous, ce n'est pas de répondre aux partisans de l'innovation. Mais la sunna, selon nous, c'est de ne parler à aucun d'entre eux. Et Ahmed ibn Hanbal a dit: et ce que nous entendions, et ce que nous avons assimilé de ce que nous avons côtoyé parmi les gens de science, c'est qu'ils réprouvaient le fait de parler et de s'asseoir avec les gens déviants. Et qu'en vérité, il n'incombe que de se soumettre et de se contenter de ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas de s'asseoir avec les partisans de l'innovation et avec les gens déviants afin de leur répondre. Car en vérité, ils t'induisent en erreur et ils ne reviennent pas. La sécurité, si Allah le veut, est donc de délaisser le fait de s'asseoir à leur compagnie et de délaisser le fait de patauger avec eux dans leurs innovations et leurs égarements. Et donc, à la lumière de tous ces textes-là, retiens, barakallahu fik, que tu dois avant tout penser na'am, à protéger ta personne, à protéger ta religion. Na'am. Car c'est, pour reprendre l'expression de l'imam Malik, c'est là ta chair et ton sang. Et à ce sujet-là, tu vas être questionné le jour de la résurrection. Ne mets donc pas ta religion en péril. Et comme il était dit jadis, si tu dois mettre quelque chose en péril, ne mets surtout pas en péril ta religion. Donc la sunna, ce n'est pas de répondre à ces gens-là. Mais la sunna, c'est de ne pas leur adresser la parole, de ne pas leur parler, de ne pas t'exposer à leur égarement. Et ne sois pas trop sûr de toi. Que la bonne opinion que tu as de ta personne, que le fait que tu saches que tu es sur la bonne voie, ne te pousse pas à mettre ta religion en péril, comme l'a dit Ibn Battah, rahimahullah. Question pourrait être posée. À savoir, est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas répliquer aux adeptes, aux partisans de l'innovation? Non, Cela ne vise pas cela. Mais ce qui est visé ici, c'est le fait de ne pas répondre à leurs sollicitations et le fait de ne pas avoir cette fâcheuse tendance à aller vers eux afin de débattre, afin de discuter, afin de voir ce qu'ils disent. Naam. Et qu'il faut avant tout se prémunir soi-même. Quant à la réplique visant les partisans de l'innovation, c'est là quelque chose qui est tout à fait légitime et qui est mené par les membres de cette communauté qui sont aptes à le faire, à savoir les gens de science. Quant au commun des musulmans, si réplique doit y avoir, alors cela doit se faire par le fait de transmettre les répliques des gens de science tout en se protégeant et en ne s'exposant pas au danger de ces individus. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.